Section numéro 60 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale. Les Croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Les royaumes ibériques du XIe à la fin du XIIe siècle. Première partie, l'évolution des royaumes chrétiens, par Jean-Hippolyte Mariéjol. L'Espagne chrétienne jusqu'en 1030. Lorsque l'empereur des Goths eut croulé sous les coups des musulmans, l'Espagne presque tout entière subit le joug des vainqueurs. Seuls les montagnards du Nord et les fugitifs qui vinrent leur demander asile échappèrent à la domination des infidèles. Ils choisirent pour chef Pélage, qui vainquit les envahisseurs à Covadong et donna le signal de la guerre de l'indépendance. Au royaume des Asturies qu'il fonda, Alphonse, un de ses successeurs, 739-756, joignit le duché de Cantabrie, qui se développait à l'est, entre la mer et les montagnes, jusqu'à la frontière de France. Il y rattacha aussi la Galice qui venait de chasser les Berbères. Pravia, Cangas, Denis, Oviedo servirent successivement de capitale à ce premier état chrétien. Puis, au commencement du Xe siècle, les rois transportèrent leur résidence à Léon, dans le bassin du Douro, comme pour faire face à l'ennemi. Des guerres heureuses étendirent leurs possessions dans la haute vallée de l'Èbre et dans la région de Burgos. Pour assurer ses conquêtes, ils couvrirent le pays de châteaux forts. De là, le nom de Castille, qui a fait une si brillante fortune. Il ne s'appliquait à l'origine qu'à l'ancienne Barduli, Merindad de Villarcayo, sur l'Èbre, et plus tard, s'étendit jusqu'à la frontière de l'Andalousie, avec le progrès des armes chrétiennes. Les chefs énergiques, qui gouvernaient et défendaient ces territoires disputés, avaient une large part d'initiative. De là, au désir de l'indépendance, il n'y avait qu'un pas. Le comte Fernand González prépara, pendant sa longue administration, 935-970, l'autonomie de la Castille. Il eut pour successeur immédiat son fils, Garcia Fernandez. Un grand nombre d'actes de la fin du Xe siècle témoignent assez de l'humeur indocile et rebelle de ces princes, bien qu'en droit et même en fait, ils restassent attachés par un lien assez large au roi de Léon. Les Francs, que les Arabes étaient allés chercher jusque dans le centre de la Gaule, refluèrent à leur tour au-delà des Pyrénées et dominèrent un moment jusqu'à l'Èbre. Mais les conquêtes de Charlemagne furent de bonne heure compromises par la faiblesse de ses successeurs. La plaine retomba aux mains des infidèles. Les montagnards retournèrent à leur isolement. Entre la France et les Asturies se forma une principauté qui fut souvent en guerre avec ses voisins et ne leur obéit que dans la mesure de sa faiblesse. Le mariage d'Alphonse III, roi des Asturies, 866-909, avec Chimène, fille du comte Garcia Garcés, est la première constatation bien certaine d'un état et d'une maison régnante en Navarre. Le fils de Garcia, Sanche Garcia Abarca, prit le titre de roi. Il enleva Pamplune aux Sarrasins et conquit tout le pays, depuis Narera jusqu'à Tudela. Il laissa en mourant un royaume libre de toute entrave. À l'autre bout des Pyrénées, la marche hispanique se détachait aussi de l'Empire franc. Elle formait, sous Louis le Débonnaire, les quatre diocèses de Barcelone, de Gérone, d'Urgel et d'Osona, subdivisées en 10 ou 12 comtés. Il s'y rattachait aussi les comtés de Ribagorza et de Jaca, qui furent, plus tard, le noyau de l'Aragon. Vers le milieu du IXe siècle, le marquisat de Barcelone fut constitué à part de la Septimanie. La nuit se fait alors sur les événements qui se passent au-delà des montagnes. Un certain Wifred, surnommé le Velu, aurait obtenu en 874 la possession héréditaire du marquisat. Un de ses successeurs, Borel, fonda une famille dont l'influence ne cessa de croître dans la région. sa fortune, un moment compromise par les succès d'Almanzor, se releva sous Béranger Raymond, 1018-1035, comte de Barcelone. Telle était la situation de l'Espagne chrétienne au commencement du XIe siècle, 1030. Elle comprenait deux royaumes, Léon et Navarre, deux comtés, Barcelone et Castille. Les pays qui formèrent plus tard les royaumes de Portugal et d'Aragon, ou, fondus avec les premiers, n'avaient pas d'existence propre, ou restaient encore aux mains des musulmans. C'est l'apparition des uns et l'évolution des autres, leurs différents essais de groupement et de fusion, et leur brusque divorce qu'il importe d'étudier, jusqu'au moment où s'achèvera la constitution de quatre États chrétiens, Portugal, Castille, Navarre, Aragon. La Navarre sous Sanché le Grand, 970-1035. Le pays qui devait jouer le rôle le plus effacé dans l'histoire de la péninsule apparaît au premier rang lorsque la ruine des Omeyyades, 1031, et la dissolution de leur empire ouvrirent aux efforts des chrétiens le champ d'action le plus étendu. Une fois, une seule fois, la Navarre occupa cette situation prépondérante. Ce fut sous le règne de Sancho el Mayor, Sanche le Grand, 970-1035. Ces états s'étendaient des hautes vallées pyrénéennes aux monts de Burgos et de Soria, qui le séparaient de la Castille. Il avait acquis par héritage, outre le Sobrarbe, les comtés de Ribagorza, de Palace, et le comté de Raca ou d'Aragon. Quand les Velas, une des plus grandes familles de Castille, eurent assassiné leur comte, Garcia, Sanché, beau-frère de la victime, se porta comme son vengeur. Il prit les meurtriers dans le fort de Monzon et les fit brûler vifs. Puis il mit la main sur l'héritage du mort. Son ambition n'était pas encore satisfaite. À titre de souverain de la Castille, il disputa à Bermude de Troyes, qui régnait à Léon, le territoire compris entre la Cea et la Pisuerga. Les deux rois étaient sur le point d'en venir aux mains quand les évêques s'entremirent pour leur faire signer la paix. Il fut convenu que Ferdinand, second fils du roi de Navarre, épouserait la sœur de Bermude et recevrait l'objet du litige comme dot de sa femme. La Castille fut élevée en sa faveur au rang de royaume, 1032. En dépit de ce compromis si avantageux, Sanché recommença la guerre, s'empara du royaume de Léon et força son ennemi à se réfugier au fond de la Galice. Il dominait alors sur toute l'Espagne chrétienne, sauf la Galice et la Catalogne. Ainsi s'explique son titre d'empereur, affecté, à ce qu'il semble, aux souverains qui ont réuni sous leur sceptre plusieurs États. Mais ces groupements étaient prématurés et répugnaient aux hommes de ces temps. Lorsque Sanché mourut, en 1035, il emporta avec lui la fortune de son royaume héréditaire. Plus soucieux d'augmenter ses possessions que de fonder un empire, il fit un partage entre tous ses enfants. L'aîné, Garcia, eut la Navarre. Ferdinand garda la Castille. Ramire reçut la région montagneuse qui s'étendait de Roncevaux jusqu'à Lara. C'est là que devait grandir le royaume d'Aragon. Prépondérance des royaumes unis de Léon et Castille. À la nouvelle de la mort de Sanché le Grand, Bermude quitta sa retraite et reconquit, sans coup férir, son royaume de Léon. À son tour, il s'éleva contre l'accord inspiré par les évêques et somma Ferdinand de lui céder le pays entre la Cea et la Pisuerga. Le roi de Castille, soutenu par son frère Garcia, défit et tua Bermude à la journée de Tamaron, 1037. Le vainqueur recueillit toute la succession du vaincu, les Asturies, Léon, la Galice. L'empire de Sanché se reconstituait dans le centre de la péninsule. Le roi de Navarre se repentit trop tard d'y avoir aidé. Inquiet et jaloux de ce surcroît de puissance, il forma le projet de se débarrasser de Ferdinand. Sa haine, qu'il avait longtemps comprimée, éclata en 1054. Les frères ennemis se livrèrent bataille à Atapuerca. L'agresseur périt dans la mêlée. Le roi de Castille n'abusa pas de sa victoire. Il se contenta d'annexer Narrera et quelques terres vers l'Ebre et laissa à son neveu le reste de la Navarre. Alphonse VI, 1073-1109, première tentative d'union de la Castille et de l'Aragon. Bien que Ferdinand eût, avant de mourir, partagé son royaume entre ses trois fils, la disparition prématurée des deux d'entre eux rétablit presque aussitôt l'unité de commandement. À l'est de la péninsule, Sanchez Ramirez réunissait la Navarre et l'Aragon. Le morcellement semblait aller diminuant. Mais la prépondérance restait au groupe de Léon et Castille qui, sous le règne d'Alphonse VI, ouvrit la période des grandes conquêtes. Les chrétiens franchirent la chaîne du Guadarrama et pénétrèrent dans la vallée du Tage. En 1085, ils occupèrent Tolède, l'ancienne capitale des rois goths, et malgré les victoires des musulmans à Zalac, 1086, et à Uclès, 1106, elle ne sortit plus de leurs mains. Il semble qu'Alphonse VI se soit élevé au-dessus des idées de son temps et qu'il n'ait pas considéré ses états comme un simple patrimoine divisible à l'infini. De tous ses enfants, il ne lui restait qu'une fille, Donia Urac, veuve de Raymond de Bourgogne. Il la maria en secondes noces à Alphonse Ier, roi d'Aragon. Ce nouvel état commençait à déborder hors des vallées des Pyrénées et s'agrandissait aux dépens des émirs de Saragosse. Après Sanchez Ramirez, qui le premier prit le titre de roi, son fils, Alphonse Ier, surnommé le Batailleur, fonda à coup de victoire la puissance de son pays. Le mariage de Donia Urac avec ce conquérant était comme l'annonce du mariage de Ferdinand et d'Isabelle la catholique. Mais le moment de l'union n'était pas encore venu. Il y avait incompatibilité d'humeur entre les peuples comme entre les époux. Le caractère d'Urac, sa violence, ses passions, l'existence d'un fils du premier lit ruinèrent les calculs du roi de Castille. L'enfant de Raymond de Bourgogne était roi de Galice. Il reconquit la Castille sur sa mère et sur le mari de sa mère. Comme si toutes les tentatives de groupement devaient échouer à la fois, la Navarre se sépara aussi de l'Aragon à la mort d'Alphonse le Batailleur, 1134. Apogée de la puissance des royaumes unis sous Alphonse VII. Heureusement, pour la chrétienté espagnole, Castille et Léon ne se séparèrent point. Les deux royaumes unis recueillirent tous les avantages de leur alliance. Ils imposèrent leur ascendant à toute la péninsule sous le règne d'Alphonse VII, 1126-1157. Celui-ci, maître incontesté de l'état le plus puissant, fit accepter de gré ou de force sa suzeraineté au roi de Navarre et d'Aragon, au comte de Barcelone, de Portugal et de Toulouse. Son influence s'étendait sur les deux versants des Pyrénées, du Rhône au Tage et de Lisbonne à Bordeaux. Il pouvait, avec plus de raison que Sanchez le Grand, ajouter un nouveau titre à celui de roi comme marque de sa grandeur. Les Cortés, réunis à Léon en 1135, furent d'avis qu'il devait prendre le nom d'empereur, puisqu'il comptait pour vassaux un roi sarrasin, Saïd al-Doulat, et tant de princes chrétiens. Les grands et le peuple se réunirent dans l'église de Sainte-Marie, et le roi, ayant revêtu une robe d'un admirable travail, on plaça sur sa tête la couronne impériale, en or pur, garnie de pierres précieuses, et on mit le sceptre dans sa main. Le roi Garcia, de Navarre, lui tenait le bras droit, et l'évêque de Léon le gauche. Le clergé le conduisit devant l'autel et l'on chanta le Te Deum, qu'on termina en criant « Vive l'empereur Alonso !» La renommée du nouvel empire se répandit au loin. Louis VII, l'époux malheureux d'Aliénor d'Aquitaine, rechercha l'alliance de ce potentat. Il s'arrêta à Burgos au cours d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et obtint la main de l'infante Constance. Alphonse VII aurait déployé tant de faste et de pompe dans sa cité impériale de Tolède que son gendre ébloui jura qu'il n'avait jamais vu une cour aussi brillante et que sans doute l'appareil n'existait pas dans l'univers. Fondation du royaume de Portugal. Cette grandeur tenait au prestige d'un homme et à une concentration passagère de force. L'union qui avait duré plus d'un siècle entre Castille et Léon, 1036-1157, se rompit et laissa les deux pays à leur isolement et à leur faiblesse. Les différents États qui avaient subi leur hégémonie reprirent leur liberté d'action. Un nouveau royaume venait de se fonder à l'ouest de la péninsule. Le mariage d'Alphonse VI avec Constance, fille de Robert, duc de Bourgogne, avait attiré en Espagne un grand nombre de chevaliers bourguignons, parents ou clients de cette princesse. L'époux de Constance maria sa fille naturelle, Thérèse, à Henri de Bourgogne, fils du duc Henri et arrière-petit-fils de Robert le Pieux, et lui donna en dot le comté de Portugal, qui ne comprenait alors que l'Entre-Douro et Minho, la province de Beira et le pays de Trás os Montes. Il est vrai que Henri était libre de s'agrandir aux dépens des morts, mais les conquêtes relâchèrent les liens qui l'unissaient à la Castille. Il s'intitula déjà « Comte par la grâce de Dieu ». Son fils, Alphonse, vainqueur des musulmans à la décisive journée d'Ourique, fut proclamé roi sur le champ de bataille, 1139. Au Cortès de l'Amégo, 1143, la nation confirma le choix de l'armée. Alphonse parut devant les représentants des trois ordres, dépouillé des insignes et des attributs de la royauté. Son procureur, Laurent Venegas, se leva et demanda à l'assemblée si elle voulait avoir pour roi l'élu des soldats, le vainqueur d'Ourique. Tous répondirent qu'ils le voulaient. Alors, l'archevêque de Braga prit des mains de l'abbé de Lorvao la couronne d'or enrichie de perles, dont les monacs visigoths avaient fait don à ce monastère. Il le posa sur la tête d'Alphonse, et le seigneur roi, tenant à la main la même épée qu'il avait portée à la guerre, dit « Béni soit Dieu qui m'a aidé, c'est avec cette épée que je vous ai délivré et que j'ai vaincu mes ennemis. Et puisque vous m'avez fait votre roi et votre compagnon, il convient que nous fassions les lois qui assurent la tranquillité de notre pays. » La couronne fut déclarée héréditaire dans la famille d'Alphonse Henriques. À défaut d'héritier mâle, les femmes étaient reconnues aptes à succéder, mais toutes les précautions étaient prises pour exclure du trône les étrangers. Ainsi, le contrat qui établissait la monarchie fondait et garantissait la nationalité portugaise. C'était une déclaration ferme d'indépendance et d'autonomie. « Voulez-vous, dit encore le procureur, que le roi se rende à la cour du roi de Léon, qu'il lui paye tribut ou à toute autre personne, hormis au seigneur pape qui l'a fait roi ?» Alors, tous se levèrent, brandirent leurs épées nues et dirent « Nous sommes libres et notre roi est libre. » Nos mains nous ont affranchis, mort au roi qui souffrirait cela. Sûr du peuple, Alphonse s'était adressé au pouvoir souverain qui disposait alors des couronnes, à la papauté. Moyennant le paiement d'un léger cens, il obtint la confirmation de son titre et la reconnaissance des faits accomplis. Dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel, le Portugal passait au rang des États souverains. Union de l'Aragon et de la Catalogne. L'Aragon, à son tour, rompit les liens de vassalité. Ramire II avait été appelé au trône au milieu du désarroi que causa la victoire des musulmans à Fraga, 1133. La Castille profita de ses embarras et de sa faiblesse pour occuper Saragosse, sa capitale. Il fut contraint de reporter à son berceau même, dans les montagnes, à Raqqa, le siège du gouvernement. Plus soucieux du salut de son âme que des besoins de l'État, Ramire ne songeait qu'à rentrer au couvent. Il voulait abdiquer en faveur de sa fille, Pétronille, et mettre son royaume sous la protection de son voisin, l'empereur Alphonse VII. La sagesse de ses sujets en décida autrement. Ils l'obligèrent à marier sa fille à Raymond Béranger IV, comte de Catalogne, et préparèrent ainsi la réunion des deux pays. Traité de Barbastro, 11 août 1137. Pendant que Ramire retournait à la vie contemplative, Raymond Béranger gouverna à titre de régent. Il ne pouvait songer à engager la lutte contre la Castille, mais il parvint à se faire restituer Saragosse sous la condition de l'hommage. Il eut de son mariage avec Pétronille un fils, Alphonse II, dont l'avènement consacra l'union définitive des deux États. L'Aragon, pays continental, se complétait par son alliance avec la Catalogne, pays maritime. Devant cette extension de puissance, le nouveau roi de Castille, Alphonse VIII, abandonna toute idée de suzeraineté. Union définitive de Castille et Léon. C'est pour la Castille une période de grandes épreuves. Privée du concours de Léon, trahi par la Navarre, sans action sur l'Aragon et le Portugal, elle a en face d'elle l'Espagne musulmane tout entière, groupée sous la domination des Almohades. Aussi n'est-il pas extraordinaire qu'elle n'ait pu résister seule à toutes les forces des infidèles sur le champ de bataille d'Alarcos, 1195. Malgré ce sanglant échec, elle continuait à occuper le premier rang dans la péninsule. Elle est à l'avant-garde des États chrétiens. Elle représente plus vivement l'esprit de la croisade. Elle poursuit avec plus de constance le devoir de la guerre sainte. Les défaites de Zalac, d'Uclès, d'Alarcos sont des défaites castillanes, mais le vainqueur de Las Navas de Tolosa, 1212, où succombe la puissance musulmane, est un souverain castillan. La puissance de la Castille grandit encore et s'acheva le jour où Ferdinand III, Saint Ferdinand, réunit pour toujours Léon à la Castille, 1230. La prépondérance fut alors acquise à l'État central, qui s'allongeait entre le Portugal et l'Aragon et barrait la route à la Navarre. L'œuvre de simplification, déjà si avancée par les groupements de Castille-Léon, d'Aragon-Catalogne, s'opérait aussi par la situation nouvelle que faisait à la Navarre la mort de Sanchez le Fort, 1234. Il ne laissait pas d'enfant. Les représentants de la nation appelèrent à lui succéder son neveu Thibaut, comte de Champagne. Dès lors, la Navarre ne fut plus mêlée qu'incidemment aux affaires de la péninsule. Elle se tourna vers la France et confondit de plus en plus son histoire avec celle de ce grand pays. Fin de la section 60.